Frank. Come on, let's go, Madonna. Ha ragione su suggestione. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous-Pression, émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse de tous les semaines à partir de sous-pression-punk.com, qui est enregistré à Ottawa, territoire algonquin non cédé, et qui s'écoute aussi à partir du CIVR 103,5 FM à Yellowknife et le CHU 89,1 FM à Ottawa. Et comme je vous m'enseignais une couple de semaines, là, ça fera... On va voir un petit changement dans la programmation à CHU au lieu d'être en onde à 11h. Le soir, les mardis, sous pression, vous pouvez écouter ça à partir CHU à 3h de l'après-midi, les mercredis après-midi. Alors, si vous quittez le travail un peu tôt, vous pouvez l'écouter dans votre char en vous rendant chez vous. Ça sera à partir de la semaine prochaine, à partir du 8 mai. Alors, c'est ça, là, l'émission, je vais me lancer là-dedans dans l'émission, j'ai un peu déjà fait. On va commencer l'émission avec, je vais jouer deux morceaux de Les Fucking Raymonds, un groupe hommage aux Ramones, un groupe québécois hommage aux Ramones. Je vais jouer deux de leurs morceaux, tout en français, ils ont traduit leur chanson des Ramones, Blitzkrieg Pop. Je vais jouer être anesthésié, vous allez les reconnaître. On va aussi faire jouer un peu de nouveau Acidic Park un peu plus tard dans l'émission. Mais on va commencer entre-temps avec les fucking Raymond à sous pression. Rien d'autre à faire, nulle part à tes yeux. Mets-moi dans l'avion, amène-moi à fête. Roule avant que je fasse ton fret. Je contrôle plus mes mains, je contrôle plus ma tête. Oh non, oh, oh, oh non. Rien d'autre à faire que le sport à aller. Où je traîne tes yeux. Mets-moi dans une chaise roulante pis amène-moi au show. Ah ouais, puis t'es pêche avant que je vienne trop chaud. Je contrôle plus mes doigts, je contrôle plus mon cerveau. Oh non, oh, oh, oh non. 20 à 20 à 24 heures à me faire chier. Où je traîne tes yeux. Rien d'autre à faire, nulle part à aller. Moi je veux être anesthésié. Mets-moi dans une chaise roulante, puis amène-moi au show. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, avant que je vienne garder l'eau. Je contrôle plus mes doigts, je contrôle plus mon cerveau. Oh non, non, non, oh non. Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. Je veux être anesthésié. Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. Je veux être anesthésié. Salut, on vient d'écouter Josh Gann de leur EP Lille. C'était le morceau Poursuis-toi, du Bonne Journée avant ça avec 80% sourd, Scrap avec grand talent, pas d'adon, pas en tout, avec la reprise du morceau NoFX, Bob, on écoutait le morceau Robert. Et on a commencé le bloc avec deux morceaux par les Fucking Raymond, groupe hommage aux Ramones, groupe hommage québécois aux Ramones. On écoutait le morceau Blitzkrieg Pop et Je veux être anesthésié. Alors j'ai l'impression, je pense que je vais faire jouer, souvent jouer les Fucking Raymond en onde parce que c'est vraiment bon. Alors là on va continuer avec le prochain bloc, on va commencer avec du Faux Départ de leur album Au Pied du Mur. On va écouter le morceau Grand Départ et ensuite on écoutera du nouveau de Acidic Park. Le groupe sort un nouvel album qui s'appelle Oh Boy. Plusieurs morceaux, je vais faire jouer le premier extrait de cet album-là, morceau « Je veux ». Alors, on commence avec du Faux Départ, on continue avec du Ascetic Park, et on continue ensuite avec d'autres morceaux que j'ai pas encore décidé ce qu'on va faire jouer. Mais on commence avec Faux Départ et Ascetic Park. Alors, voici du Faux Départ sous pression. Seul dans cette nuit noire, t'es toi qui gères toute différence. Si, c'est qui? faire de ta vie. En quelques décennies et sans aucun merci, tu n'écris plus dans cette nuit noire. Le coup a frappé, ton cœur s'est arrêté. Un damné vient de se réveiller. Un damné vient de se réveiller. Un damné vient de se réveiller. salut. Vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On a commencé le dernier bloc avec du Faux Départ de leur album Au Pied du Mur. On a écouté le morceau Grand Départ du Ascetic Park. Après ça, de leur nouvel album Oh Boy, c'était le morceau Je Veux. Charlie Foxtrot avec 4 pouces carrés de leur album La Marche Courte. Et on vient d'écouter Disordered Ship de leur album éponyme, le morceau Bord de Mer. Alors là, on est rendu à mi-chemin de l'émission. Je vous rappelle comment je fais tous les semaines, que Sous Pression est sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Ou bien sinon, faites une recherche pour Sous Pression, vous allez trouver ça. Cliquez j'aime. Et là, ça, vous savez comment ça marche. Après ça, vous pouvez suivre les nouvelles de l'émission. Évidemment, vous pouvez aussi envoyer un courriel. Il y a le info@commercialsouspressionpunk.com. info@commercialsouspressionpunk.com. Envoyez des messages, commentaires, de la musique, n'importe quoi. Et évidemment, le site web. Si vous écoutez à partir de la radio, il y a un site web souspressionpunk.com. Allez checker ça. Alors, trois bonnes façons de vous connecter avec Sous Pression. Alors c'est ça, là on va se lancer dans le bloc sono mondial, le moment où à chaque semaine on sort de la francophonie, voir ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et cette semaine on va rendre hommage à Omar Higgins, c'était le chanteur de Negro Terror et aussi un membre du groupe Chinese Connection Dub Embassy, un groupe de Memphis aux États-Unis, qui est décédé, Omar est décédé récemment. Alors je vais faire rendre un petit hommage à lui et à ses groupes Negro Terror et Chinese Connection Dub Embassy. Je vais faire jouer un morceau de chaque groupe et je vais vous avec Chinese Connection Dub Embassy, on va faire jouer le morceau Bad Man. C'est un extrait de un morceau qui ont sorti au mois de septembre dernier. Là, ça s'appelle Bad Man. Et Negro Terror, je vais vous donner un peu de contexte avant que je fasse jouer cette chanson-là. Negro Terror, ils ont fait une reprise que vous... j'espère que vous allez pas la reconnaître, mais si vous la reconnaissez, je vais vous donner un peu de contexte. C'est une reprise d'une chanson d'un groupe néo-nazi que je vais pas nommer le nom ici en ondes. Ça vaut pas la peine de faire de la publicité. Mais ils l'ont refaite à leur manière. Leur chanson s'appelle The Voice of Memphis. C'est un peu un hommage à leur ville natale au lieu d'une chanson patriotique stupide qui est la version originale. Et Negro Terror, pour fournir un peu de, ou c'est encore un peu plus de contexte, c'est un groupe composé de membres de musiciens qui sont tous noirs. Alors, leur choix de faire une reprise d'une chanson d'un groupe par un groupe nazi, mais de la faire à leur manière et enlever c'est un peu de sortir la chanson de son contexte raciste et envoyer chier un peu, tu sais, les suprémacistes blancs, faire un groupe de trois musiciens noirs, faire une chanson par un groupe nazi assez bien connu. C'est un peu, tu sais, donner le doigt là, aux néo-nazis et à leur attachement à ce groupe et à leur chanson, ou la version originale. Alors, je vais commencer avec du Negro Terror, le morceau La Voice of Memphis, tiré de leur album qui s'appelle The Bootleg. Mais la version, c'est The Bootleg, la chanson sur cet album-là. Mais la version que je vais faire jouer, c'est une version un peu plus clean, avec un son un peu plus clair. Ensuite, on va écouter Bad Man par Chinese Connection Dub Embassy. Alors voici Negro Terror et Chinese Connection Dub Embassy à Sous Pression, hommage à Omar Higgins. With fear. C'était Negro Terror avec The Voice of Memphis et Chinese Connection Dub Embassy, le morceau Bad Man. On continue maintenant avec du Litovsk et Ce qui ne fut pas. Mais on casa, petit punk-nol. Les matins qui mettent la pression. Yeah. Salut, on vient d'écouter du Bière Sociale avec le morceau Jusqu'à quand. Action Sédition avant ça avec le morceau Sous la branche d'Olivier tiré d'un split avec le groupe italien Bull Brigade. Bull Brigade, j'ai de la misère avec ce mot-là. Secteur Pavé avant ça avec le morceau Insomnie, Kronstadt avec Année de plomb et on a commencé le bloc avec Litovsk de leur album Dispossessed. On a écouté Ce qui ne fut pas. Alors, notre temps ensemble est terminé maintenant et je vous rappelle, comme je fais au début de l'émission, que si vous écoutez à partir du CHUO à Ottawa, c'est la dernière semaine cette semaine que vous allez nous entendre en ondes les mardis soirs à 11h. À partir de la semaine prochaine, on sera en ondes à partir du 8 mai, on sera en ondes à 3h de l'après-midi, les mercredis au lieu de 11h le soir, les mardis. Alors si vous aimez vous coucher tôt, si vous êtes comme moi, vous aimez vous coucher tôt, c'est des bonnes nouvelles pour vous. Alors, je vais vous laisser avec un dernier morceau. On se laisse avec Union Thugs. Ils ont sorti un nouveau morceau, Les Piqueteuses de la Gloire. Et ils se préparent un nouvel album. C'est le premier extrait de cet album-là. Voici les Union Thugs avec Les Piqueteuses de la Gloire. Bonne semaine.